Sixième section des comédiens sans le savoir. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Les comédiens sans le savoir par Honoré de Balzac. Sixième section. Les trois inséparables, pour la journée du moins, allaient sous la direction du paysagiste de manière à heurter un homme d'environ 40 ans, décoré, qui venait du boulevard par la rue Neuve-Vivienne. Eh bien, dit Léon. « À quoi rêves-tu, mon cher Dubourdieu? À quelque belle composition symbolique ? Mon cher cousin, j'ai le plaisir de vous présenter notre illustre peintre, Dubourdieu, non moins célèbre par son talent que par ses convictions humanitaires. Dubourdieu, mon cousin Palafox ?» Dubourdieu, petit homme à teint pâle, à l'œil bleu mélancolique, salua légèrement Gazonal, qui s'inclina devant l'homme de génie. Vous avez donc nommé Stidmann à la place de... Que veux-tu? Je n'y étais pas, répondit le grand paysagiste. Vous déconsidérerez l'Académie, reprit le peintre. Allez choisir un pareil homme. Je ne veux pas en dire du mal, mais il fait du métier. Où mènera-t-on le premier des arts, celui dont les œuvres sont les plus durables, qui révèle les nations après que le monde a perdu tout d'elles jusqu'à leurs souvenirs, qui consacre les grands hommes? C'est un sacerdoce que la sculpture. Elle résume les idées d'une époque, et vous allez recruter un faiseur de bons hommes et de cheminées, un ornemaniste, un des vendeurs du temple. Ah, comme disait Champfort, il faut commencer par avaler une vipère tous les matins pour supporter la vie à Paris. Enfin, l'art nous reste. On ne peut pas nous empêcher de le cultiver. Et puis, mon cher, vous avez une consolation que peu d'artistes possèdent. « L'avenir est à vous, » dit Bixiou. « Quand le monde sera converti à notre doctrine, vous serez à la tête de votre art, car vous y portez des idées que l'on comprendra, lorsqu'elles auront été généralisées. Dans 50 ans d'ici, vous serez pour tout le monde ce que vous n'êtes que pour nous autres, un grand homme. Seulement, il s'agit d'aller jusque-là. » « Je viens, » reprit l'artiste, dont la figure se dilata comme se dilate celle d'un homme de qui l'on flatte le dada, de terminer la figure allégorique de l'harmonie, et si vous voulez la venir voir, vous comprendrez bien que j'ai pu rester 2 ans à la faire. Il y a tout. Au premier coup d'œil qu'on y jette, on devine la destinée du globe. La reine tient le bâton pastoral d'une main, symbole de l'agrandissement des races utiles à l'homme. Elle est coiffée du bonnet de la liberté, ses mamelles sont sextuples à la façon égyptienne, car les Égyptiens avaient pressenti Fourier. Ses pieds reposent sur 2 mains jointes qui embrassent le globe en signe de la fraternité des races humaines. Elle foule des canons détruits pour signifier l'abolition de la guerre, et j'ai tâché de lui faire exprimer la sérénité de l'agriculture triomphante. J'ai d'ailleurs mis près d'elle un énorme chou frisé, qui, selon notre maître, est l'image de la Concorde. Oh, ce n'est pas un des moindres titres de Fourier à la vénération que d'avoir restitué la pensée aux plantes. Il a tout relié dans la création par la signification des choses entre elles, et aussi par leur langage spécial. Dans 100 ans, le monde sera bien plus grand qu'il n'est. « Et comment, monsieur, cela se fera-t-il ? » dit Gazonal, stupéfait d'entendre parler ainsi un homme sans qu'il fût dans une maison de fous. Par l'étendue de la production, si l'on veut appliquer le système, il ne sera pas impossible de réagir sur les astres. Et que deviendra donc alors la peinture? Demanda Gazonal. Elle sera plus grande. Et aurons-nous des yeux plus grands? Dit Gazonal en regardant ses deux amis d'un air significatif. L'homme redeviendra ce qu'il était avant son abâtardissement. Nos hommes de 6 pieds seront alors des nains. Ton tableau, dit Léon, est-il fini? « Entièrement fini, » reprit Dubourdieu. « J'ai tâché de voir Iclar pour qu'il compose une symphonie. Je voudrais qu'en voyant cette composition, on entendît une musique à la Beethoven, qui en développerait les idées afin de les mettre à la portée des intelligences, sous 2 modes. Ah, si le gouvernement voulait me prêter une des salles du Louvre... Mais j'en parlerai, si tu veux, car il ne faut rien négliger pour frapper les esprits. Oh, mes amis préparent des articles, mais j'ai peur qu'ils n'aillent trop loin. » « Bah, » dit Bixiou, « ils n'iront pas si loin que l'avenir. » Dubourdieu regarda Bixiou de travers et continua son chemin. « Mais c'est un fou, » dit Gazonal, « le course de la lune le guide. » Il a de la main, il a du savoir, dit Léon, mais le fourriérisme l'a tué. Tu viens de voir là, cousin, l'un des effets de l'ambition chez les artistes. Trop souvent, à Paris, dans le désir d'arriver plus promptement que par la voie naturelle à cette célébrité qui pour eux est la fortune, les artistes empruntent les ailes de la circonstance. Ils croient se grandir en se faisant les hommes d'une chose, en devenant les souteneurs d'un système, et ils espèrent changer une coterie en public. Tel est républicain, tel autre était saint-simonien, tel est aristocrate, tel catholique, tel juste milieu, tel Moyen-Âge ou allemand par parti pris. Mais si l'opinion ne donne pas le talent, elle le gâte toujours. Témoin le pauvre garçon que vous venez de voir. L'opinion d'un artiste doit être la foi dans les œuvres, et son seul moyen de succès, le travail, quand la nature lui a donné le feu sacré. Sauvons-nous, dit Bixiou, Léon moralise. Et cet homme était de bonne foi ? S'écria Gazonal encore stupéfait. De très bonne foi, répliqua Bixiou, d'aussi bonne foi que tout à l'heure le roi des Merlans. Il est fou, dit Gazonal. Et ce n'est pas le seul que les idées de Fourier aient rendu fou, dit Bixiou. Vous ne savez rien de Paris. Demandez-y 100 000 francs pour réaliser l'idée la plus utile au genre humain, pour essayer quelque chose de pareil à la machine à vapeur, vous y mourrez, comme Salomon de Co à Bicêtre. Mais s'il s'agit d'un paradoxe, on se fait tuer pour cela, soi et sa fortune. Eh bien, ici, il en est des systèmes comme des choses. Les journaux impossibles y ont dévoré des millions depuis 15 ans. Ce qui rendait votre procès si difficile à gagner, c'est que vous avez raison, et qu'il y a selon vous des raisons secrètes pour le préfet. Conçois-tu qu'une fois qu'il a compris le pari moral, un homme d'esprit puisse vivre ailleurs ? Dit Léon à son cousin. Si nous menions Gazonal chez la mère Fontaine, dit Bixiou qui fit signe à un cocher de citadine d'avancer, ce sera passer du sévère au fantastique. Cocher, vieille rue du Temple. Et tous trois, ils roulèrent dans la direction du Marais. Fin de la 6e section.